fait l'agent, baby, sans question. Mais le jour où moi, ouais, avec un autre garçon, pas pensé chérie, qu'elle me suis en couillon. Blessed.